L'ancien chapitre de Genève, où jadis tant de princes et d'évêques se faisaient un bonheur d'entrer, a perdu dans son exil son ancienne splendeur, mais il a conservé sa fierté. Pour pouvoir y être admis, il faut toujours être gentilhomme ou docteur de Sorbonne. Et s'il est un orgueil pardonnable, après celui qui se tire du mérite personnel, c'est celui qui se tire de la naissance. D'ailleurs, tous les prêtres qui ont des laïcs à leur gage les traitent d'ordinaire avec assez de hauteur. C'est ainsi que les chanoines traitaient souvent le pauvre le maître. Le chante, surtout, appelé Monsieur l'abbé de Vidonne, qui du reste était un très galant homme, mais trop plein de sa noblesse, n'avait pas toujours pour lui les égards que méritaient ses talents. Et l'autre n'endurait pas volontiers ses dédains. Cette année, ils eurent, durant la semaine sainte, un démêlé plus vif qu'à l'ordinaire, dans un dîner de règles que l'évêque donnait aux chanoines, et où le maître était toujours invité. Le chantre lui fit quelques passes droits, et lui dit quelques paroles dures que celui-ci ne put digérer. Il prit sur le champ la résolution de s'enfuir la nuit suivante, et rien ne put l'en faire démordre, quoique Madame de Varan, à qui il alla faire ses adieux, n'épargna rien pour l'apaiser. Il ne put renoncer au plaisir de se venger de ses tyrans en les laissant dans l'embarras aux fêtes de Pâques, tant où l'on avait le plus grand besoin de lui. Mais ce qui l'embarrassait lui-même était sa musique qu'il voulait emporter, ce qui n'était pas facile. Elle formait une caisse assez grosse et fort lourde qui ne s'emportait pas sous le bras.